Frères et sœurs, il y a quelques semaines, les évêques du Québec, nous étions réunis à Rome pour aller rencontrer le pape François. Et nous avons eu la chance d'avoir, je pourrais dire même trois rencontres avec lui, si on inclut l'Eucharistie que nous avons concélébrée avec lui. Le pape François est un homme qui dégage une grande paix lorsqu'on le rencontre. Remarquez sur les photos le regard de cet homme. Il y a quelques semaines, juste avant que nous arrivions à Rome, il est allé en Égypte. Plusieurs personnes lui déconseillaient de le faire. Mais il l'a fait. Cet homme n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce que, comme nous l'avons chanté dans le psaume tout à l'heure, le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Christ est ressuscité. Tel est le cœur de notre foi. Et cette foi qui habite le pape fait en sorte que cet homme est habité d'une profonde paix. Il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur tout court. Et malgré la situation que nous vivons actuellement dans le monde, et on pourrait même dire dans l'Église, il reste profondément en paix. On le voit, c'est un homme souriant. Et pourtant, il les voit, les problèmes. Il les voit, et probablement plus que nous. Lui, il est placé tellement haut qu'il voit les problèmes dans tous les pays. C'est encore pire que nous. Mais il reste profondément en paix. Pourquoi? Parce qu'il est profondément convaincu que le Christ est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il est parmi nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous célébrons ce soir et c'est ce que nous célébrons depuis la veillée pascale. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Nous sommes toujours dans le temps pascal. Et on dit que le 40e jour, après sa mort et sa résurrection, notre Seigneur est monté au ciel. Et c'est ce que nous célébrons en cette fête de l'Ascension. Il a quitté le monde, mais il nous a dit, « Je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer une force venue d'en haut. Je vous le promets. » Et quelques jours plus tard, alors que les apôtres étaient réunis avec la Vierge Marie, au milieu d'eux, la promesse s'est réalisée. Le don, le défenseur que le Christ avait promis, il a été envoyé, il est descendu sur les apôtres, réunis avec la Vierge Marie. C'est le jour de la Pentecôte que nous allons célébrer dimanche prochain. Depuis 2000 ans, le Seigneur est présent parmi nous. Il n'est plus présent comme il l'a été il y a 2000 ans, un être de chair à qui qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait même crucifier. Il est présent maintenant sous le mode de l'Esprit-Saint. C'est sa présence maintenant. Nous sommes dans le temps de l'Esprit-Saint. Cette force venue d'en haut, cette force, les Écritures nous disent que c'est cette force qui a ressuscité le Christ, imaginez. L'Esprit-Saint, c'est la force qui a fait sortir le Christ du tombeau. Et c'est pour ça que nous croyons que cette force venue d'en haut, elle va nous faire sortir aussi de nos tombeaux. Pas seulement le tombeau qui va abriter notre corps sans vie, mais nos tombeaux de tous les jours, nos peurs, nos inquiétudes, nos découragements, nos manques de confiance en nous, qui font en sorte qu'on s'enferme dans un tombeau Et lui, il a cette capacité de venir ouvrir nos tombeaux. Ça, c'est ce que nous croyons. La résurrection, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe lorsque l'on meurt physiquement. La résurrection, c'est à tous les jours. À tous les jours, il nous est donné d'entrer en communion avec celui qui nous dit « Lève-toi ». Comme le pape qui a dit, en citant les Écritures, « Église du Québec, lève-toi ». C'est la résurrection. Cette force extraordinaire, cette force de vie qui est avec nous. Il n'en tient qu'à nous de faire en sorte que dans nos journées, nous nous tournions à l'intérieur de nous pour nous ouvrir à cette force venue d'en haut, cet esprit de force, cet esprit de sagesse. C'est tellement vrai, frères et sœurs, que les Écritures nous disent ce soir que maintenant que le Christ est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père, il est la tête de l'Église et nous, nous sommes ses membres. L'esprit de vie qui circule dans le Christ et dans le Père, il circule aussi en nous et nous sommes les membres de son corps. Et c'est à travers nous maintenant que sa vie circule dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des baptêmes et c'est pour cela qu'il y a des confirmations. L'Esprit nous est donné, c'est un don extraordinaire, mais ce don qui nous est fait, il est fait pour nous tourner vers les autres. Nous sommes le corps du Christ. C'est pour ça tout à l'heure, lors du rite de l'encensement, on va encenser l'autel, mais le thuriféraire, celui qui porte l'encens, va venir vous encenser aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes le corps du Christ. Vous êtes la demeure de l'Esprit-Saint maintenant. Je sais que c'est facile de dire ces choses-là. Autre chose est d'y croire et d'en vivre à chaque jour. Reconnaissons que il nous arrive quelquefois dans nos journées d'être distraits et de ne pas y penser. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Mais l'Eucharistie que nous vivons régulièrement, les temps de prière, les rencontres avec les autres, sont là pour nous tourner, nous retourner vers ce don, cette source extraordinaire. Célébrons ce grand don, frères et sœurs, à l'occasion de nos amis qui vont recevoir en particulier ce don par l'onction de l'Esprit. Comme le Christ l'a dit un jour, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Ce geste maintenant, nous allons le poser pour nos frères et sœurs. Célébrons ce grand don.